Identifier un lieu. Going down the list. C'est un salon pour les employés. C'est la section des archives. Ça s'appelle Place du Souvenir. C'est la rue Charles. Non, c'est la réception. Je ne sais pas ce que c'est.